بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أولا نسألك عن كلمات كيفية comment le comment hafada le petit fils du prophète la fille c'est quoi le ma ou le mufrad hafada hada jam hada ma ou le mufrad hafid les hafada sont les fils de ton fils n'am et les sibt c'est le fils de ta fille car c'était les enfants de Hassan c'est l'enfant de qui Fatima. C'est du côté du père en fait. Hafid Nam du côté du fils, on va dire, ou ton fils. Taïb Sakana Yaskunu, il est Zaouja. Ça complète. Ouais, vas-y, ça complète en fait, c'est cohabité. C'est cohabité. As-Sihar. Le beau-frère. Ils n'ont pas Sihar, là c'est qu'un Sod. C'est tout ce qui est proche de la famille par lien de mariage ou réalisé avec un âme. Mustalzimat. Un accessoire. Chose que tu as besoin. Naam. Waritha, yarithu. Hérité. Mazaya. Pour mazaya, il n'y a pas de. Mazaya. Distinction. Naam, les avantages de distinction. Hawada yuhawidu. Ah oui, devenir yahoud. Et comment on dit christianisé? Nassara. Là, on t'entend. Adihi, Mathalen, Hayat, Tansir, c'est une délégation qui est venue pour propager le christianisme. T'en as, ils se souviennent dans les pays d'islam, ils viennent pour essayer de faire leur darwa, tu vois. Ils viennent avec des choses pour donner des cadeaux musulmans, pour les acheter, et des aides humanitaires. Mais leur cause, c'est pas de te donner à manger, c'est que tu deviennes Nassara. Leur cause, c'est propager le kufr, en belad de l'islam. Et ils le font avec les moyens qu'ils ont. Font apparaître l'aide, en fait c'est pas l'aide qu'ils veulent, c'est le kufr qu'ils veulent. Wadulo takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Ils aimeraient que tu m'y crois comme ils ont m'y cru, donc soyez égaux. Wadda kathirun le kitab, lo yurudunakum ba'di manikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Que beaucoup des gens du livre aimeraient vous voir m'y croire par jalousie après que la vérité leur soit parvenue. Hada wa tamama. طيب الأسئلة الأول لماذا اهتم الإسلام بالأسرة؟ كويس كل الإسلام دون importance à la famille. لأنها أهمية في المجتمع المسلم. نعم. كيف عرفت أن الإسلام يهتم بالأسرة؟ كما تشي سلا؟ ببعض الآيات من القرآن. نعم. ماذا تشبه الأسرة؟ à quoi ressemble la famille؟ تشبه الجسد. الجسد. جسد. نعم. جسد نعم. نفول به. ما واجب الأب تجاه أسرته؟ c'est quoi l'obligation du père par rapport à face à la famille? je sais pas si c'est أن يوفر أو أن يوفر. أن يوفر لها مستلزمات مستلزمات الحياة من غذاء وكساء وعلم. نعم. طيب ما الروابط التي تربط بين افراد الاسره؟ c'est quoi le lien qui entre les membres de la famille? ah, c'est ça. الروابط ça veut dire lien quoi. نعم. alors كل فرد فيها له دور يؤدي. chacun un rôle à remplir. ما دور زوجتي في الأسرة؟ le rôle de la femme dans la famille. هي شريكة الرجل. وربة بيته وأم الأولاد وموضوع سره. موضوع مواضيع. c'est un واوكيا. non c'est font les deux. c'est juste moi je te demande par chèque c'est tout. Donc c'est Maudou alors. Là c'est Maudia. Ah ouais, Maudia. Sirri. Naam. C'est le معنى متكرر. ما دور الأبناء في الأسرة؟ عليهم طاعة الآباء وأن يسلكوا وأن يسلكوا في المجتمع في المجتمع في المجتمع سلوكا حسنا. ما أسباب تفكك الأسر؟ مجني ترك مسؤوليتي. نعم. Chacun ne remplisse pas son rôle également. Adam al-amel bisunna. كيف تكون العلاقة بين الصغار والكبار في الأسرة المسلمة؟ C'est comment sont les liens entre les grands et les petits dans les familles musulmanes. Alors, وعلى الكبار العطف على الصغار وعلى الصغار احترام الكبار وأن يكون كبير للصغار قدوة حسنة حسنة حسنة قدوة حسنة ومثلا طيبا مثلا ومثلا طيبا يحتذى يعني ما معنى يحتذى يحتذى يحتذى اقتدى فد سويفر اكزامبل سويفر ثم كنا الثاني c'est utiliser les mots dans les phrases. يرث الأولاد يرث الأولاد عن أمه عن أمهم كثيرا كثيرا من المزايا من المزايا والصفات والصفات وفي أصحاب أصحابها لا أحدانها وفي أحدانها تتكون عواطف الطفل ويتلقى لغته. نعم maintenant on a mis plusieurs là. طيب سحر نصر نصر الرجل ولاده وهود المرأة بنتها Que l'homme a christianisé son fils, baptisé son fils, et que la femme a judaïsé son fils, ou sa fille, c'est ça ? Oui. En plus, c'est ça, le judaïsme, il se prend de la mère. Ah ouais, j'ai chez les juifs, c'est de la mère que tu prends. En islam, c'est du père. Chez les chrétiens, tu prends comme tu veux. Même si tu veux, tu prends du voisin, si ça se trouve, Allah, là, tellement c'est le fourdre chez eux. كثيرا من تقاليد لا تقاليد من تقاليد نعم من تقاليده و يتعرف ويتعرف على دينه يتعرف على ما يتقاليد ويتعرف بينه toujours سكن الرجل في زوجته يمجس في الأمي جميع الحديث في لو تكتب جميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأباواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كملت؟ طيب ندخل في درس جديد وهو الدرس الرابع بعنوان الخليفة العادل عمر بن الخطاب C'est un texte à propos de Omar ibn Khattab. Maintenant, tout ce qui concerne ce texte, je ne peux pas te dire le niveau d'authenticité. On lit le texte. Nous, nos causes, ce n'est pas de prendre des fawaïd par rapport au ilm, c'est une haïsul lura. D'accord ? طيب كلمات جديدة ممالك bon, le texte ممالك je vais pas retrouver mais c'est le jam de mamlaka c'est le royaume liwa C'est Raya, c'est un étendard. Manazil, Jam Manzala, c'est le niveau. Le niveau, le rang de quelqu'un. Irtakaba Yartakibo, c'est le fait de commettre. Ouswa, c'est quoi Ouswa ? D'accord, des Kananakum fi Rasulillah, Ouswatun Hasanatun. Un bon exemple. Un exemple, en fait. C'est un exemple. Hurras, c'est le diam de Haris, c'est garde. Jamlun, Hamlun, Afan. C'est une chose que tu transportes. Dukhan, maman la Dukhan. La fumée. Naam. Andaja, Yundijo, c'est le fait d'être prêt ou de mûrir. C'est-à-dire qu'un indaja à Samar, c'est qu'il est devenu mûr. Un indaja à Ta'am, c'est qu'il est prêt. Tassara'a, yatassara'u. Ma'ana tachajara. Se disputer, se batailler, se quereller. Ashara yushiro. C'est le fait de faire veiller la nuit. De faire veiller. Veiller tout seul, c'est sahara. Et ashara ala waz afala, c'est le fait de faire cette action-là. Quand tu as un verbe soulati, trois lettres, c'est un jalasa, s'asseoir. Si tu mets rubaï avec un hamza, ajlasa, c'est le fait de faire asseoir. Ou tu dis une shadda sur le lem, jalasa, jalissu, c'est le fait de faire asseoir quelqu'un. Yani le fi'l lazim, tajalou muta'addiyan, en fait. Celui qui est lazim, tu le rends muta'addi. Et celui qui est muta'addi avec un seul maf'oul, tu l'as muta'addi avec deux maf'oul. Mathalan, tu dis darabtu Muhammadan. J'ai frappé Mohammed, mathalan. Tu dis adrabtu ou darabtu Muhammadan Zaydan. J'ai fait que Mohammed frappe Zayd. C'est un lazim au début, comme par exemple Jalassa. Si tu le rends ce wazn af'ala ou fa'ala, il va devenir muta'addi, il va. Yamsib el maf'oul. Abka yubki. Tiens, voilà. La faïda, on la prend maintenant. Abka yubki. Là. Pleurer, c'est baka. Donc là, abka, c'est. Faire pleurer. Faire pleurer. Azaw. Chattun. Ça vient de chati. C'est quoi chati? On l'avait pris dans le tarbir 2. Chanti le Bahar. Les côtes, yani le bord de la mer. Chanti. Les côtes. Mausouma. Et c'est une chose qui est marquée. Marquée, yani comme offert. Chou, mathalan. Afraz, c'est le jam de Farid. C'est les cuisses. Kamelt. Sa'a, c'est ce que tu possèdes comme aisance. Ou ça peut avoir un autre sens. Une chose qui est plus large. Soukout, c'est la chute. Un sahn, c'est quoi sahn? Sahn, c'est une assiette. Un plat, non. Taïb. Elle n'a qu'un nos. قال اولا تواضعه سمو دستي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفه على المسلمين في جزيره العرب كلها qu'il était le calife des musulmans dans la péninsule arabique entière. Wa Misr, wa Sham, wa Irak, wa Faris, wa Khorasan. Et pareil, Misr, l'Égypte, Sham, c'est tout ce qui est autour de la Syrie. L'Irak, c'est l'Irak. Faris, c'est la Perse. Et Khorasan. Ra'mun ou Ra'mu Sa'it ad-Dawla al-Khilafa. Et qu'il était au service de l'élargissement justement du gouvernement islamique. C'est-à-dire qu'il a ouvert les frontières, beaucoup de frontières. Omar se marlouf. Ça, c'est vrai. C'était un exemple à suivre. Dans l'humilité, la modestie, dans l'amour du travail, dans l'honnêteté, la loyauté, dans la sincérité et dans la croyance sincère ou véridique. كَانَ لَا يَضَعُ نَفْسَهُ فَوْقَ مَنَازِلِ النَّاسِ وَيُرَى أَنَّ ذَلِكَ خَطَأٌ يَرْتَكِبُهُ الْحَاكِمُ. Qui ne se mettait pas au-dessus des gens. Il voyait que c'était une erreur de la part des hukam qui mettaient cela. Si le gouverneur faisait trop par rapport aux gens, il voyait que c'était une erreur. إِذَا كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ تُغْنِي وَتُعْجِزْ عَنِ النَّاسِ فَوَاللَّهِ مَا كَكَلِي بِمَنْزِلَةٍ حَتَّى أَكُونَ أُسْوَةً لِلنَّاسِ. Qui lui rapporte de lui, parce que c'est autant que je ne sais pas, que je suis jamais je suis dans un rang dans lequel yani, j'apporte ou je reprends des gens, masalène, que cela ne sera pas mon niveau tant que je ne serai pas moi-même un exemple pour les gens. Même ce genre de rang, je ne le mérite pas tant que moi-même je ne suis pas exemplaire en fait dans ce que je fais. Kana yu'addi as-salat ثم يقعد فيكلمه من شاء ولم يكن على بابه حراس. Qui faisait la salat, ensuite il s'asseyait et qui voulait lui parlait, il était accessible. Et qui n'avait pas devant sa porte de garde. وقصة حمله الدقيق على ظهره ليطعم الصبيان الجائعين مشهورة. Le fait qu'il portait sur son dos la farine pour pouvoir nourrir les enfants affamés, une histoire qui est connue. وقيامه بإعداد الطعام بنفسه qui a lui-même préparé le repas. وكان ينفخ تحت القدر et qui soufflait sous la marmite. يعني le feu. فيخرج الدخان من بين لحيته et que la fumée sortait de sa barbe. حتى إذا اندجى الطعام أفرعه في الصحن et que lorsque le طعام il était prêt, il le versait lui-même dans le plat. وقام بنفسه في إطعام السبيان الصغار. Il se mettait lui-même à nourrir les enfants, les petits-enfants. حتى شبعوا. Jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. وأخذوا يتصارعون ويضحكون ثم ناموا فقام ويحمد الله تعالى. Donc ils se sont mis après à se chamailler, à rigoler, ensuite ils ont dormi. Alors il s'est levé et s'est mis à louer Allah en disant إن الجوع أسحرهم وابكاهم فأحببت ألا أنصرف حتى أراهم نائمين. Il dit que la faim les a fait veiller, les a empêchés de dormir, et les a fait pleurer, et je ne voulais pas partir, c'est ce que je les vois, dormir, calme, apaisé. Ce maqala adluhu, sa justice, son équité. Kana radiallahu anhu, harisan ala tahqiq an-nazaha fi nafsihi, qu'il prenait soin à être honnête dans sa propre personne. Wa fi ummalihi hukam al-wilayat, et également dans ses employés qui étaient eux-mêmes les gouverneurs des états. Il y en a qui étaient différentes. Lui, c'était le khalifa am, général, et il mettait des gens, des dirigeants, tu vois, dans différents endroits. Samira min amilihi Iyad ibn Ghanm wa kana waliyan ala Misr annahu yakhunuhu. Qu'il avait entendu d'un de ses gouverneurs, ce dirigeant, qui s'appelait Iyad, qui était lui le gouverneur d'Égypte, qui le trahissait. Omar a entendu que cet homme-là le trahissait. فَرْسَلَ إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَهُ أَعْطَهُ عَصَى وَجُبَّتْ سُوف وَغَنَمًا فَقَالَ إِرْعِيهَا فَإِنَّ أَبَاكِ كَنَا رَاعِيًا. Donc il l'a convoqué. Et lorsqu'il est venu, il lui a donné un bâton ainsi qu'une veste de laine et un troupeau de moutons et il lui a dit, allez, garde-les, car ton père est un berger. Annie, c'est ça que tu mérites, pas les gens. وَمَرِضَ رَضِي عَنْهُ فَوَصَفَ لَهُ الطَّبِيبُ الْعَسَلِ وَكَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ جَرَّةُ عَسَلِ. Donc une fois il est tombé malade et que le tabib lui a prescrit de prendre du asel, du miel. Et qu'il y avait justement dans la maison des biens, c'est-à-dire l'argent général des musulmans, un jar de miel. فَاسْتَأْذَنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ إِنْ أَذِنْتُمُ فِيهَا وَأَذِنْتُمْ فِيهَا أَخَذْتُهَا وَإِلَّا فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ. Donc il a dit, d'abord il a demandé la permission aux musulmans, il a dit, si vous me l'autorisez, je la prends. Sinon, elle est pour moi interdite. Et qu'il prenait justement de cet argent général pour lui-même comme salaire de dirham chaque jour seulement. قوله والله لئن بقيت لاتين راعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال ومكانه. Il a dit, parmi les paroles connues qu'il a données, qu'il a dit, par Allah, si jamais je reste encore, yani en tant que gouverneur, le berger viendra depuis les montagnes de Sana'a et sa part dans cet argent-là lui restera. C'est-à-dire, il la récupérera. Son argent sera préservé. لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه عمر بن الخطاب. Il a dit que même si un chameau venait à périr perdu sur les bords du Euphrate, je crains que Allah subhanahu wa ta'ala n'interroge Omar à son sujet, qu'il rende compte par rapport à ce chameau. أما الخير التي عنده فكانت موسومة في أحفاظها بالعبارة الآتية محبوسة في سبيل الله. خير, c'est le cheval. حصان, فراس. Son cheval de guerre surtout, qu'il avait, qu'il possédait. Il était marqué entre ses cuisses. D'accord ? Il était marqué entre ses cuisses. Et il est retenu sur le sortie d'Allah. Ça veut dire que ce n'était pas vraiment à lui. Ce khayr était là sur le sortie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et non pas un bien personnel. Comme un waqf. C'est sûr, maintenant, quand on entend beaucoup de gens entendre Omar, demandant comment il était, aujourd'hui, il crie sur les hukam. Et sur ces histoires, alors, les hukam, ils étaient comme ça, Omar était comme ça, vous, aujourd'hui, vous êtes. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est pas pareil. Mais comme on dit, Omar avait qui sous son gouvernat? Qui était le peuple qui était gouverné par Omar? Les sahaba. Et les tabi'in. C'était pas nous. C'était pas des gens comme nous. Donc forcément, aujourd'hui, on a les gouverneurs qu'on mérite. On est loin du dîn, on a des gouverneurs qui sont pareils. Et si Omar Adarno avait été là, ceux qui parlent comme ça auraient été les premiers à se faire taper. En plus, ils disent Omar, Omar, il aurait été là, il aurait entendu ces paroles-là, il t'aurait tapé. Car Omar, bien sûr, était sur l'Aqidah Sahiha, et le calife sur le Hukam, il ne l'aurait pas accepté comme ça injustement ou de façon illégitime. Mais si jamais tu le fais, tu le fais bien. Comme cela est. Appuyé par les Adil, tu conseilles le gouverneur, mais en secret avec le kalem qui convient, et ce n'est pas tout le monde non plus qui veut lui parler au Hakim. À la base, tout le monde peut le faire, mais Mimbeb, Yaniel, Ihtiram al-Ta'addub, Shal'an, tout le monde peut le faire à la base. Mais Ihtiram al-Lahu, on envoie quelqu'un qui a un poids et qui va parler au nom des gens. Ce n'est pas tout le monde qui rend les uns après les autres. Il n'a pas le temps d'écouter tout le monde, le Hakim. Et en plus, on ne plaint pas de n'importe quoi. Des choses vraiment, tu vois, qui sont importantes. Il y a des choses, on peut les gérer par nous-mêmes. Naam. Taïeb. Al-As'ila. Yaqul. Awalan. Limaza kana Omar, radiallahu anhu, yahris ala ijtima' min nas. Pourquoi c'est Omar se soucier que les gens se réunissent? Thaniyan. Ma ra'yuk fi ma qama bi Omar, radiallahu anhu, nahu. As-sibya al-ja'irin. Que pense-t-on de ce qu'a fait Omar à propos des enfants qui étaient affamés? Thalithan, qala Omar, law anna jamalan halaka diya'an bi shatti al-firat, la khashitu an yas'al Allah anhu Omar. Ma za tusammi mithla hadha ash-shu'ur bil wajib? Donc lorsqu'Omar il a dit que même si un chameau devenait être perdu sur les bords de l'Euphrate, je crains que Allah n'interroge Omar à ce sujet. Comment appelles-tu justement cette responsabilité? Rabi'an, كيف كانت الخيل التي كانت عنده? Comment était En fait, c'était pas son cheval à lui, je crois. C'était les chevaux des troupes. Il y en a créé, c'est un ism jins. Les chevaux qu'il avait, comment étaient-ils? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait décrit? Sadisan, لماذا استأذن المسلمين في أخذ العسل? Pourquoi tu demandais la permission aux musulmans pour prendre le miel? Wathani, remplir les trous avec les mots. On a irtakaba, qui veut dire commettre. Yardjizu, le fait de ne pas pouvoir, être incapable. Tandoujou, le fait d'être prêt ou de mûrir. Al-Sahar, c'est le fait de veiller. Yahresu, le fait de prendre soin ou se soucier. Manazil, le djem de manzala, qui veut dire rang ou statut. Ashara, le fait de faire veiller. Al-Jumlat al-Oula. Al-Ulamaou kabiratun finnas. Les savants, yani, auprès des gens. Quelque chose de grand pour des gens. C'est quoi ce quelque chose? Tranquille. Thaniyan, al-juhlaou an mujadalati al-ulama. Les ignorants avec le débat avec l'ulama. Thalithan, al-aba ala tarbiyat abna'ihim bil akhlaq al-fadila. Les pères dans l'éducation de leurs fils du bon comportement, des nobles valeurs. Rabi'an, al-lis jalimatahu nahara. Le cambrioleur, son crime de jour. Khamisan, yadurru bi sihat al-insan. Nuit à la santé de l'homme. Ma'azam, attends, t'allais bien là, il y a un trou. Ma'azam al-fawakih fi fasl al-rabi'. Donc, la plupart des fruits dans la saison du printemps. Sabihan, al-umma marad al-ibn. Que quelque chose, la mère. La maladie de son fils. Là, on ne peut pas vraiment traduire, sinon je pourrais te donner les mots. Donc, j'ai lu comme c'était là. Tayyib al-Nargia. Nous allons à Bardet Jumel, Inch'Allah. Qala, kana Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, khalifatan al-muslimin. Ma i'rab khalifatan. Khabar ina. Khabar kana. Khabar kana. Fais l'i'rab complète. Khabar kana, mansoub, li kana, ma'ana metnos bihi. الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. أحسنت. خليفة على المسلمين في جزيرة العرب كلها. ما يعرب كلها؟ كلها. ما يعرب كلها؟ سو لبنسك عربيك. كل التوكيد. حرف توكيد. مضاف. وها مضاف إليه. ضمير متصل. في محل الجر. مبني في محل الجر مضاف إليه. نعم هذا وكل هذا سنتوكيد كما تقول هذه كل ومصر مصر مستبقى معطوف ايوه معطوف منصوب منصوب معطوف على كلها كمجرور منصوب مستحيل alors il est quoi مجرور ايوه هي الفتحه على معلمه جر ايوه على جر هي الفتحه لماذا لماذا c'est quoi qui est مجرور avec la fatha جامعه السليم لا جامعه السليم تنصيب بالكسره ما هو الاسم الذي ينصرف C'est quoi les Hilal? Si tu les connais. Je vais te donner des jeunes faïdas. Tous les Asma Amakin qui n'ont pas de L, ils sont Mamoun Nassaf. Ah bah ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est une règle générale. Là maintenant, ça, c'est Alamiya et Ta'nis. Mais ça s'applique sur tous les lieux les noms de lieux. D'accord, le nom de lieu, quand il n'y a pas L qui rentre, à Kada. طيب قال فقد كان مثلا يختذى. ما هو يختذى؟ تطور. قد كان مثلا ومثالا يختذى. يختذى تقول يختذى. J'ai pas dit mithal, hein. J'ai dit yuhtadha, c'est un hal. C'est un khabar. Khabar kala, c'est mithal. L'ism est muftatir. À suivre. Là, tu es parti cueillir une banane dans un oranger. Il n'y a pas de banane dans l'oranger. Tu t'es trompé d'arbre. Moi, j'aurais dit. Yuhtadha. Awalan wa fi'l. Barakallahu fik. C'est un verbe. Toi, t'en as fait un ism. C'est pour ça que je t'ai dit, tu pris la banane dans l'oranger. Donc, maintenant, c'est un fi'l. Ech shaklouhou. مغير الصيغة أحسنت مرفوع لتجردي عن الناصب الجازم وعلامة رفعه الفتحة لا بورتوكو علامة رفعه اشتهي دي بوكو لا ضمة ضمة مقدرة ضمة مقدرة علامة ظهورها ايوه تعذر أحسنت كان يؤدي الصلاة. اللي مستتر. ضمير مستتر. تقديره هو. كان تحت. كان يؤدي الصلاة. كان يؤدي. أيوة. كان أيوة كان في الماضي نعم مبني نعم على الفتح ما لا محل له من الإعراب يؤدي اسم كان مرفوع لا تي بارتي encore chercher une banane dans un oranger لا je pensais que tout le temps avec la canasse de la لا ما يلزم اوكي ça peut être un كان ça rentre dans quoi مبتدا وخبر Le khawar peut être quoi? Jumla? Firliya. Donc déjà, il y a ism kana. Ism kana mustatir. Ben, mais mustatir. Et là, il y a khabar kana. Yuaddi. Aïwa, jumla, jumla, firliya. Alors, c'est quoi? Hua yuaddi. Mubtada, khabar. Kana yuaddi. Il est entré dans la jumla ismiya. فهمت؟ يؤدي سينفير طيب مرفوع لتجرد يعني الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة منع المقدرة منع من ظهورها الآن سي المناسبة المناسبة لا الثقل الثقل أيوة وفاعلها ضمير مستتير جملة فعلية في محل رفع خبر كان الأصل هو يؤدي الصلاة دخل على كنس devenu كان يؤدي الصلاة فهمت هذا طيب والصلاة مفعول به ده يؤدي ثم ما هو ثم حرفات ايوه سي كوا سون نو تابل وي يوفي الترتيب. أيوة. ثم تدريب. ترخي. تدريب. ترخي. ترخي. يعني c'est bien avec un ترتيب et en plus avec un temps. ولم يكن. لم يكن. و. Je veux لم يكن. لم يكن. لم يكن. Alors لم. حرف جزم. حرف جزم. نعم حرف جزم. نفي وقلب أحسنت مبني لا محل له من الإعراب ويكون في الماضي في المضارع في المضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حرف النون لو لم يكن لم يكن لم يكن علامه لم يكن علامه نصبه الفتحه ظاهره على الكل ها لم يكن اه السكون السكون لو الواو ده يكون ah bah c'est yakana yakunu loul waou ça c'était lam yakun et loul waou il est pas là je sais pas je sais que il est parti chercher des bananes dans l'oranger il est parti où peut-être que ça c'est pourquoi il est pas là c'est une question que je te pose quand il est parti chercher des bananes dans l'oranger si j'affirme ça sera un mensonge je me demande est-ce qu'il est parti chercher des bananes dans l'oranger non là taïeb bah il est où alors je sais pas. Pourquoi on l'a enlevé? C'est quoi la cause? Lam yakun. Li ajli iltiqa sakinain. Car là maintenant, lam yakun, il est majum, comme tu l'as dit, alamat jazmi et sukun. Donc le noun, maintenant, là, il est sakin. Et le waw qu'avait avant, il était sakin aussi. Donc maintenant, il ne faut pas qu'ils se rencontrent tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tomber le waw. Mais à la base, c'est yakun. Mais là, on ne peut pas le mettre. On l'a enlevé. C'est que quand il est jazim, du coup, quand il y a le sukun. Non, c'est le sukun. Il est où le ism de Yakun? Je sais pas, on dit, tu peux me dire où on est. Hein? Tu peux me dire où on est, parce que je sais, putain, je sais pas où on est. Ah bon? Non, j'essaie de me souvenir ce que tu me dis, mais je sais pas où on est. Oui, non. Ouais, là, là, okay. Là, Yakun, il est où l'ism de Yakun? De Yakun. Yakun, et Nasmo. Le statut. Là. Regarde! Il y a Yakun, à la. Babihi. Horras. Horras. C'est son ism le mu'akhar. C'est ça? Mais je sais pas pourquoi. Bah parce que c'est ça. Dans le ma'ana. Lam yakun. Horrasun ala babihi. Comment tu dis? À la base, lam yakun. Horrasun ala babihi. Il y a besoin d'un ism. Aïwa. هذا كان هذا كان هذا نفس كلمه مضارع ايش يعمل يظن اسم خبر سو اسم سي حراس الى يتم مؤخر الى يتم على فنافاز اسم خبر سي على بابي لكن على خبر محذوف او بل لا ليس محذوف لا سي على بابه aussi les mardouf ka lam yakun hurrasun ka'inina ala babihi en fait le jamaa jous est متعلق bi khabar mardouf طيب je vais lire i'lab liyut'ima taht liyut'ima as-sibyan alors liyut'ima lam kay lam ta'lil aya lam ta'lil lam mahala lahu min al-i'rab ensuite يطعم فعل مضارع فعل مضارع منصوب بماذا جوازان بأن المضمرة جوازان أحسنت بأن المضمرة جوازان وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على الأخير أحسنت طيب اليوم سنقف هنا يا كيكو إعرابي جو قد دوموندي ميم تكست في الدرس القادم إن شاء الله On est fini, comme ça est un peu long. D'autres dialogues qui sont intéressants à prendre. Ça nous rend zoha, fait d'air, c'est le cas d'Inch'Allah. Quand même, Foyez la houna, wa alhamdulillah.